بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 2 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman, qui est l'explication des fondements de la foi, du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans un recueil de hadith qu'il a fait sur les fondements de la foi. Et l'explication de Cheikh Al-Fawzan de ces hadiths. Donc, on commence maintenant le premier hadith dans le premier chapitre. Il dit: قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب معرفة الله تعالى والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. Donc, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il commence donc son livre, Usul al-Iman, avec la formule du basmala, qu'on dit en arabe, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa bihi nasta'in, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, wa bihi nasta'in, c'est-à-dire c'est en lui que nous cherchons l'aide. Hein, c'est en lui que nous cherchons l'aide. Et il mentionne le premier chapitre qui est le fait de connaître Allah et d'avoir la foi en lui. Le premier hadith qui est mentionné, c'est le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah ta'ala a dit, et donc c'est un hadith Qudsi qui mentionne donc la parole d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs partenaires, je suis celui d'entre eux qui n'a aucun besoin de quoi que ce soit et qui se suffit à lui-même. Donc je n'ai besoin d'aucun partenaire. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri. Donc quiconque fait un acte et que dans cette action-là, il donne un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait en associant autre que Allah à lui, c'est-à-dire il associe avec Allah quelqu'un d'autre. Taraktuhu wa shirkahu, c'est-à-dire je l'abandonne et je laisse ce qu'il a fait, yani en faisant du shirk avec moi. J'abandonne cette personne et le shirk qu'il a fait. Hein, en associant avec moi dans cette adoration-là. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte l'adoration que si elle est pure et si elle est faite uniquement pour lui et pour son visage à lui seul. Mais si dans ton acte, il y a quelque chose qui était voué à autre que Allah, avec Allah, et que tu avais associé avec Allah d'autres partenaires dans ton action, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'en veut pas. Il n'acceptera que ce qui était purement pour lui seulement. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique, sahih. Et le cheikh Al-Fawzan, maintenant, il va expliquer ce hadith, qui est un hadith très important et très bénéfique. Ici, le cheikh Al-Fawzan, il dit: « هذا الحديث من الأحاديث القدسية وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فلفظه ومعناه من الله جل وعلا فتكلم الله به ورواه رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه لأمته. » Donc il dit que ce hadith fait partie des hadiths qu'on appelle les hadiths Qudsi, les hadiths qui sont saints. Et la raison pourquoi on les appelle Qudsiya, c'est parce que le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ces hadiths-là, il rapporte la parole d'Allah, il rapporte la parole de son Seigneur. Et c'est la parole d'Allah dans les mots qui sont employés et dans la signification. Les deux viennent d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réellement prononcé ses propos. et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui les transmet à sa umma. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, فيه إثبات القول والكلام لله تعالى، وهذه صفة من صفاته جل وعلا. Donc parmi les choses également qu'on peut tirer de ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah ta'ala a dit, il y a dans ça l'affirmation de la parole, et que Allah subhanahu wa ta'ala parle, et qu'il dit des choses. Et ceci fait donc partie des attributs, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la parole. Contrairement aux gens de Bid'a qui nient les attributs d'Allah, et en particulier la parole, et qui nient également que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Donc ça c'est l'exemple de la réfutation de ces groupes, que ce soit les Jahmiyyah ou les Mu'tazila, ou les Asha'ira et les Maturidiyya, qui eux, yani, contrairement aux deux premiers, contrairement aux Jahmiyya et aux Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya, ils affirment une parole à Allah, sauf que c'est seulement une affirmation qui est apparente, parce que la réalité de leur affirmation, elle est incomplète, puisque les détails dans cette question-là, leur affirmation, elle est incomplète parce qu'ils disent que la parole d'Allah, c'est pas une parole qui est composée de lettres ni de sons, mais ils disent que c'est une parole qui est en réalité l'expression de ce que Allah dit, ou un récit de ce que Allah dit, mais non pas la parole d'Allah lui-même. À la kulli hal, tout ça c'est des exemples de l'égarement, des gens de l'égarement. Ensuite, le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit قَوْلُهُ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فِيهِ إِثْبَاتُ الْغِنَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَاللَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ لا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى ظهير فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهذا فيه وصف الله بالغنى وفيه نفي الشرك عنه جل وعلا إذ ليس له شريك في الملك وليس له شريك في العبادة ولا في أسمائه وصفاته فالله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه صفة الله جل وعلا ولما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أنزل الله هذه السورة. Donc ici le Cheikh il explique ensuite que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك, je suis parmi les partenaires celui qui se suffit à lui-même, et je n'ai besoin donc d'aucun partenaire et d'aucune forme d'association. Et donc c'est l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a la richesse absolue. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, le verset 68 dans Sourate Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يعني هو الغني, c'est lui qui est le riche, celui qui se suffit à lui-même. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc si tout lui appartient, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de fils. Il n'a pas besoin de partenaire ou d'associé ou quoi que ce soit dans la création. Il se suffit à lui-même de façon absolue. Et ensuite, le Cheikh il explique et il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche. Il n'a aucun besoin de quoi que ce soit de sa créature. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de partenaire, il n'a pas besoin de support. Et il est riche. Hein? Il est riche dans le sens qu'il n'a aucun besoin de sa créature. Et c'est le contraire qui est la réalité, c'est-à-dire que c'est sa créature qui a besoin de lui. Hein? Il n'a aucun partenaire, aucun aide, aucun support, et il se passe entièrement de sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 15, dans sourate Fatir, ô vous les hommes, vous êtes ceux qui avez, hein, vous êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah. Vous êtes les fuqara, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes ceux qui sont, qui étiez dans le be vous êtes dans le besoin vis-à-vis d'Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah qui êtes pauvres. Hein? Et Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Donc c'est lui le riche qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien. Et il y a donc ici la description d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celui qui est riche, qui se passe de tout et qui n'a besoin de rien. Et il y a dans ça la négation également de toute forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a dans son royaume aucun partenaire, aucun associé. Il n'a pas besoin, comme les rois humains qui ont besoin de ministres, qui ont besoin d'armées, qui ont besoin de support, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'associés, qui ont besoin d'alliés. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de rien et de personne. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il n'a même pas de. Il se suffit tellement à lui-même qu'il n'a besoin de rien et il n'a même pas, hein, de rival. Il n'a même pas de rival qui pourrait s'opposer à lui. Hein? Qui pourrait s'opposer à lui ou yani, menacer son royaume ou sa puissance en quoi que ce soit. Il n'a pas d'opposants, il n'a pas de rivaux, il n'a pas d'associés, il n'a pas de partenaires, il n'a besoin de rien. Et laisa lahu sharikun. Donc quand on dit qu'il n'a pas d'associés ou de partenaires, ça c'est vrai dans tous les sens. Que ce soit dans l'adoration, il n'a pas besoin d'associés ou de partenaires pour partager l'adoration. Il n'a pas non plus de partenaires ou d'associés dans ses noms et dans ses attributs. Donc il est le seul à posséder les attributs de perfection, hein, et les attributs de majesté et de grandeur. Personne ne partage aucun de ses noms et aucune de ses attributs avec lui. Et il est unique. Il est un et unique. Et il est yani celui qui est seul et tout le monde se tourne vers lui et toutes les créatures se tournent vers lui tandis que lui n'a besoin de personne. Et toutes les créatures se tournent vers lui dans leurs besoins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Ikhlas, les versets 3 à 4, il n'a pas été, il dit ce qui signifie, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et ça, c'est donc la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de son Seigneur lorsque les mushrikoun sont venus pour demander au messager d'Allah, décris-nous ton Seigneur. Décris-nous ton Seigneur que tu adores. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé cette sourate, sourate Al-Ikhlas. Hein? Qul hu Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire dit, Allah, c'est lui l'unique. Allahu samad, celui, hein, celui vers qui toutes les créatures se tournent pour avoir ce qu'ils veulent et pour leurs besoins. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et il n'y a rien qui soit comparable à lui. Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, Fafi hadha tanzihullah ta'ala an ash-shirk wa anna al-amal alladhi yaqa'u fihi ash-shirk la yataqabbalahu Allah. Wa li hadha qala kama fi hadha al-hadith al-qudsi taraktuhu wa shirkahu fal-amal alladhi fihi shirkun la yaqbaluhu Allah ta'ala wa huwa mardudun ala sahibihi wa batilun fahuwa subhanahu لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وكان صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que il y a dans ce hadith une purification d'Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme d'association, et également le fait que l'action qu'on fait, il ne doit pas y avoir aucune forme d'association dedans et aucune forme de shirk dedans pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Parce que si dans l'action qu'on fait il y a du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas. Hein? Donc, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur, dans les deux cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'action. Et si c'est du shirk majeur, eh bien, c'est toutes les œuvres de la personne qui seront rendues vaines. Peu importe qu'est-ce qu'elle a œuvré, jusqu'à ce qu'elle se repente. Et tandis que si c'est une forme de shirk mineur, comme de l'ostentation par exemple, hein, que la personne fait des actes pour se faire voir et pour se faire glorifier des autres, eh bien, c'est la même chose. L'action de cette personne ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle sera rejetée. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le hadith, hein, taraktuhu wa shirkahu. C'est-à-dire que l'action en question, dans laquelle il y avait du shirk, Allah ne va pas l'accepter. Elle sera rejetée et renvoyée à la personne. Et elle sera vaine. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais la récompenser, ne va jamais l'accepter parmi les œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte parmi les œuvres que ce qui est fait avec pureté, uniquement pour son noble visage. Et il n'accepte que l'action qui est en accord avec la sunna de son messager, de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc même si l'acte elle est faite avec sincérité, si elle est faite en contradiction avec la sunna, c'est-à-dire si quelqu'un essaie d'inventer des innovations et des bid'ah pour se rapprocher d'Allah, même s'il est sincère dans son action, elle ne sera pas acceptée d'Allah. Donc on a terminé l'explication du premier hadith. Le deuxième hadith, nafyu an-nawmi 'anillahi, c'est-à-dire le fait de nier que Allah puisse dormir. Donc de nier le sommeil, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith en question, c'est le hadith suivant, qui est le deuxième hadith. Il dit, An Abi Musa radiyallahu anhu, قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. Donc ce hadith, c'est un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, selon l'imam Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique. Et dans ce hadith, Abu Musa radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous avec cinq paroles. Hein? Il leur a dit cinq paroles, cinq phrases. La première, il a dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Donc ça, c'est la première phrase. Ensuite, il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala élève et il rabaisse son serviteur. Hein? Il élève la justice et yani yarfa'uhu, c'est-à-dire il fait monter les œuvres de son serviteur et également il fait descendre la subsistance pour son serviteur. Et il élève les actions de la nuit avant les actions du jour, et il élève les actions du jour avant les actions de la nuit. Son voile est un voile de lumière, hein? Il est voilé par de la lumière, et s'il retirait où il dévoilait, hein, s'il le dévoilait, il retirait ce voile, eh bien, les éclats de son visage auraient brûlé tout ce que son regard peut atteindre de sa création. Hein? S'il retirait son voile, les éclats de son visage auraient brûlé tout ce que son regard atteint de sa création. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce hadith. Il dit: هذا حديث عظيم فيه تعريف بالله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام فقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم في القرآن الكريم. فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم موتة صغرى، ولأن النوم ضعف في النائم، والله ينزه عن ذلك، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة، وهي النعاس الخفيف، ولا نوم مستغرق، فهو سبحانه منزه عن ذلك، لأن النوم من صفات البشر والمخلوقين، وهو صفة نقص. Donc le cheikh ici il explique un point par rapport à ce hadith, et il explique que c'est un hadith qui est important et très grand. Et que c'est un hadith dans lequel il y a des explications, des informations à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'importe quel croyant, il doit avoir comme priorité dans sa vie de connaître qui est Allah. Parce que c'est la chose la plus importante pour le croyant. Il n'y a personne qui est plus important pour le croyant de connaître que Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un ne connaît pas Allah, eh bien il ne peut pas l'aimer. Il ne peut pas le craindre. Il ne peut pas l'adorer comme il mérite d'être adoré. Donc la priorité pour le croyant, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur et son Créateur et son Maître. Et dans ce hadith, il y a justement des informations à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit certaines caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié également dans son livre, il a nié cet aspect-là dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 255. Qui est aussi appelé Ayatul Kursi, hein, le verset du repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas pris par ni la somnolence ni le sommeil. Donc, yani. La raison de ça, le cheikh explique, c'est parce que le sommeil, c'est une petite mort. Hein? C'est la petite mort. Et également parce que le sommeil, c'est une faiblesse chez celui qui dort. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre de faiblesse, de ce genre d'imperfection, à cause de la perfection de sa vie. Hein? La vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Elle ne contient aucune imperfection, aucune limite, aucune faiblesse. Aucun défaut. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans ce verset, dans Ayatul Kursi, il dit: Allahu la ilaha illahu. Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-Hayyu, c'est-à-dire le vivant. Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, et celui que tout le monde a besoin de lui. Al-Qayyum, celui qui se tient par lui-même, qui n'a besoin de personne ni de rien, que tout le monde a besoin de lui. Donc Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est pour expliquer en fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hayy, le vivant, et sa vie, contrairement à la vie des créatures, elle est une vie complète et parfaite. Hein? Elle n'est pas précédée par le fait de ne pas avoir existé, elle n'est pas précédée d'ignorance, elle n'est pas précédée de quoi que ce soit de faiblesse. Et elle est éternelle, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Contrairement à la vie des créatures, elle a un début, elle a une fin, elle a une fin. Tandis que la vie d'Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. C'est lui le premier, c'est lui le dernier. Donc ça veut dire, il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. Et il dit, Al-Hayyu Al-Qayyum. Et ensuite, donc ça c'est l'affirmation de la perfection de la vie d'Allah. Et ensuite, il nie toute imperfection qui pourrait le toucher vis-à-vis de la perfection de cette vie-là qu'il a. Et c'est, par exemple, la somnolence. Et également, le sommeil, ce sont des imperfections. Parce que quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il vit pendant qu'il dort. Hein? Il est vivant encore, mais il n'est pas conscient de qu'est-ce qui se passe. Hein? Quand quelqu'un dort, on pourrait le prendre et l'amener dans un autre endroit, il n'aurait même pas su que il est en train d'être déplacé. Hein? On peut faire n'importe quoi à quelqu'un pendant qu'il est en train de dormir. Même quelqu'un peut être tué pendant son sommeil, il ne sera même pas, il sera même pas conscient qu'il a été tué. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent que la personne qui dort, elle est dans un état d'inconscience. Donc elle n'est pas vivante réellement, elle dort. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il ne dort jamais. Il ne dort pas, il n'a pas même pas besoin de dormir. Parce que sa vie est entière et parfaite et complète. Et parce qu'il est Al-Qayyum. Et donc, il n'est pas touché ni par la somnolence, qui est le léger, le sommeil léger, ni par An-Nawm, qui est yani, le sommeil profond. Donc, il est purifié de cela, parce que le sommeil fait partie des caractéristiques des créatures et des êtres humains, et c'est une caractéristique d'imperfection. Ensuite, il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa la yanbaghi lahu an yanam yani la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala an yanam li'annahu al-kamil fi hayatihi wa qayyumiyyatihi jalla wa ala fa huwa munazzahun an hadhihi as-sifah fala yanbaghi lahu an yanam. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après avoir dit qu'il ne dort pas, il a dit et il ne lui convient pas de dormir. C'est-à-dire qu'il ne convient pas à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie et dans le fait qu'il est celui qui est vivant et qui a la vie parfaite et qui est Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même et qui se tient par lui-même, il ne lui convient pas. Donc, il est purifié d'avoir cette caractéristique de dormir et il ne lui convient pas de dormir. Il dit « Wa qawluhu yakhfidhu al-qista » ويرفعه يعني قوله يخفض القسط بمعنى أنه ينزل على عباده أرزاقهم وما كتبه سبحانه لهم والقسط العدل والميزان وقوله ويرفعه بمعنى أنه يرفع إليه العمل الذي اكتسبه بنو آدم والله جل وعلا دائما هذه صفته ينزل الأرزاق والمقادير على عباده وترفع إليه الأعمال وخيرها وشرها صالحها وسيئها فهذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النوم ووصفه بالحياة الكاملة ووصفه جل وعلا بأنه يدبر أمور الخلق ويحصي أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait descendre et qui fait monter. Hein? C'est lui qui fait descendre les subsistances pour ses serviteurs selon ce qu'il leur a prescrit, selon ce qu'il a écrit pour eux. Et al-qist ici, le sens du mot al-qist dans la langue arabe c'est la justice et également la balance. Et ici quand il dit yarfa'uhu, il le fait monter. C'est-à-dire qu'il fait monter les œuvres des fils d'Adam. Donc il fait descendre la subsistance et il fait monter les œuvres que les serviteurs ont fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est toujours ça son attribut, qu'il fait descendre la subsistance et qu'il fait descendre les destinées sur ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a prédestiné pour eux et qu'est-ce qu'il a écrit pour eux? Il le fait descendre comme subsistance pour eux. Tandis que les bonnes œuvres sont élevées vers lui et les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres lui sont présentées aussi. Donc les biens, les mauvaises et les bonnes, elles lui sont présentées et Allah subhanahu wa ta'ala, il est purifié également du sommeil, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que sa description, c'est qu'il est celui qui a une vie complète et parfaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala est décrit également dans ce hadith comme étant celui qui contrôle et qui gère toutes les affaires de ses créatures et qui également compte leurs œuvres et les rétribue pour ses œuvres au jour de la résurrection, selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Et ensuite il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وهذا من عمل الحفظة كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعني وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي محضورا تحضره الملائكة الليل وملائكة النهار فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر كما في الحديث ولهذا كانت هاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل الغروب أي العصر ففيهما فضيلة على غيرهما لحضور الملائكة فيهما. Donc ici, le cheikh, il explique la suite du hadith, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les œuvres qui sont montées vers lui, les œuvres de la nuit qui sont montées, et les œuvres de la journée qui sont montées vers lui. Donc il dit, il fait monter vers lui, les œuvres qu'on fait la nuit et le jour. Elles sont montées vers lui. Les œuvres de la nuit avant les œuvres du jour et les œuvres du jour avant les œuvres de la nuit. Et il fait référence ici aux œuvres que les scribes parmi les anges collectent chaque jour de ce qu'ils ont écrit des actions des êtres humains et des créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 à 12 dans Sourate Al-Infitar, certes, il y a sur vous des gardiens, des nobles scribes parmi les anges. Ils savent ce que vous faites. Et dans le hadith également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il y a des anges qui se relaient. Donc les anges de la nuit qui se relaient avec les anges de la journée. Et ils se réunissent ou ils se rassemblent à deux moments dans la journée. Ils se rencontrent à deux moments dans la journée, la prière de l'Asr et la prière de Fajr. Donc la prière de l'Asr, ils se rencontrent pour se relayer, et la prière de Fajr aussi. Puis ceux qui ont passé la nuit avec les serviteurs remontent vers Allah. Et Allah leur pose la question, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils disent, nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat, et nous sommes venus vers eux alors qu'ils faisaient la salat. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 78, dans Surat Al-Isra, Hein, à propos de la prière de Fajr, il l'appelle Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. C'est-à-dire que yani, la prière de la prière de Fajr, il l'appelle la récitation de l'aube. C'est-à-dire la récitation de l'aube, elle est hein, mashhud. Mashhuda, ça veut dire il y a des anges qui sont en sont témoins. Il y a des anges qui en sont témoins, c'est-à-dire qui sont présents lors de cette prière et qui assistent à cette prière. Et c'est les anges du jour et les anges de la nuit qui se relaient à ce moment-là. Hein? Donc les anges de la nuit qui se préparent à remonter et les anges du jour qui descendent. Ils se relaient à ces deux moments-là de la journée. Et quand c'est le Fajr, les anges qui se préparent à remonter, c'est les anges de la nuit. Et les anges qui se préparent à hein, passer la journée avec les serviteurs, c'est les anges du jour. Et lorsque la prière de Asr arrive, eh bien, les anges du jour se préparent à remonter et les anges de la nuit descendent hein, pour passer la nuit avec les serviteurs et enregistrer leurs œuvres. Et il dit donc que dans la prière de Asr et de la prière de Fajr, ça, c'est les deux moments spéciaux de la journée. Et ces deux prières-là sont donc particulières. Elles ont donc un mérite particulier parmi les cinq prières. Et c'est donc les meilleures prières parmi les cinq. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Qaf, le verset 39, alors glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, c'est-à-dire à l'aube, et avant le coucher, c'est-à-dire la prière d'Asr. Il y a donc ici un grand mérite hein, sur ces deux prières par rapport aux autres prières. Ensuite, il dit qu'une des raisons pourquoi ces deux prières-là sont plus méritoires ou plus particulières que les autres, c'est par rapport au fait que justement les anges sont présents et témoins à ces deux prières-là, les anges du jour et de la nuit. Ensuite, il dit, Wa qawluhu, hijabuhu nour. حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذا فيه وصف الله جل وعلا بالنور والنور على قسمين نور هو من صفات الله سبحانه وتعالى أي نور الله سبحانه وتعالى ونور مخلوق كنور الشمس ونور القمر أي نعم وهناك نور آخر وهو نور الوحي. Donc ici le cheikh explique une chose importante par rapport à ce hadith et c'est en particulier par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala son voile c'est la lumière c'est un voile de lumière il est voilé par de la lumière et il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il retirait ce voile de lumière qui le couvre, eh bien, les éclats de son visage auraient brûlé tout ce que son regard atteint hein, de sa créature ou de sa création. Et donc ici, le cheikh explique que ça, c'est une description d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est lumière. Allah subhanahu wa ta'ala est lumière. Hein? Et la lumière, elle est de deux catégories, de deux sortes. La première qui est la lumière comme étant, comme un attribut d'Allah. Allah est une lumière, lui-même. Il est la lumière des cieux et de la terre. Et une autre catégorie de lumière qui est la lumière créée. La lumière que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, qui est la lumière, par exemple, du soleil ou de la lune. Ou des autres formes de lumière par lesquelles on peut s'éclairer qu'Allah a créé. Et il y a une autre sorte de lumière aussi qui est la troisième catégorie de lumière qui est la lumière de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la révélation c'est une lumière aussi qui vient d'Allah. Hein? Et c'est la lumière de la science et qui est tirée de la révélation. Donc ici ensuite le cheikh il explique et il dit فالله جل وعلا فالله جل وعلا هو النور Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la lumière. Wa minhu an-nur. Wa nur Allah jalla wa ala qad hajabahu an ru'yati 'ibadihi lahu. لأنهم لا يستطيعون رؤيته جل وعلا في الدنيا ولو تجلى لشيء من خلقه لاحترقه وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء لموعد الله له لما جاء لموعد الله له يتلقى منه التوراة أوضح الدليل على ذلك أو أوضح دليل أوضح الدليل على ذلك قال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فهذا الجبل الجماد الصلب لما تجلى الله له اندكه وصار ترابا وعندها خر موسى صعقا أي مغشيا عليه سبحان الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى لأن حجابه النور. Donc ici le cheikh il explique que donc Allah سبحانه وتعالى c'est une lumière, il est lumière lui-même et c'est de lui que vient toute lumière et la lumière d'Allah سبحانه وتعالى Il s'est voilé par de la lumière pour éviter justement que ses serviteurs le voient parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Et si Allah subhanahu wa ta'ala se manifestait à une chose quelconque de sa création, elle serait brûlée. Elle serait complètement brûlé et désintégré. Et c'est clair et évident dans l'histoire de Moussa alayhi salam lorsque Moussa alayhi salam est venu au rendez-vous de son Seigneur pour recevoir d'Allah subhanahu wa ta'ala les lois et la Torah. Ça c'est la preuve la plus claire à ce sujet-là. Puisqu'il est venu, il est venu et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 143 dans Sourate Al-A'raf, et lorsque vint Moussa à notre rencontre, et que son Seigneur lui adressa la parole, et il dit, Moussa alayhi salam a dit, ô mon Seigneur, laisse-moi te voir, laisse-moi te regarder. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, si elle reste sur place, alors tu me verras. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à la son Seigneur s'est manifesté à la montagne, il l'a pulvérisé, il l'a rendu en poussière. Donc il dit le cheikh, regardez cette montagne qui est une chose inerte, qui est une chose solide et dure. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'y est manifesté, eh bien elle s'est pulvérisée complètement et devenue de la poussière. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam, il est tombé foudroyé. Il a perdu connaissance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 143. Et il dit donc, Moussa alayhi salam est tombé foudroyé. Et lorsqu'il s'est relevé, lorsqu'il a repris conscience, il a dit, gloire à toi, je me repens à toi et je suis le premier des croyants. Et donc, il n'y a personne dans cette vie d'ici-bas, dans ce bas monde, qui est capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala parce que son voile est lumière. Et lors de Al-Mi'raj, il dit le Cheikh, wa fi laylat al-Mi'raj, su'ila al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hal ra'ayta rabbak? Donc dans la nuit du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Qala nurun anna arahu. Il a dit, c'est de la lumière. Hein? Comment j'aurais pu le voir? C'est-à-dire, c'était de la lumière. Comment j'aurais pu le voir? Et c'est rapporté par Muslim selon Abu Dharr al-Ghifari. Et il dit, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حِجَابُهُ النُّورِ فَلَا يَرَاهُ أَحَدًا فَلَا يَرَاهُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا النَّبِيُّ وَلَا غَيْرُهُ إِذِ الْخَلْقُ لَا يَسْتَطِيعُونَ رُؤْيَتَهُ لِعَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِهَذَا قال لو كشفه أي لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه وجلاله نور وجهه وجلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. Donc il dit le cheikh ici que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le voir dans cette vie d'ici-bas, ni le prophète, ni quiconque d'autre. Puisque personne n'est capable de voir Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa grandeur et de sa majesté. Et il dit dans le hadith, et s'il dévoilait son visage, ou s'il retirait ce voile, eh bien, c'est-à-dire s'il retirait le voile de lumière par lequel il se couvre, eh bien, les éclats de son visage auraient brûlé, c'est-à-dire la lumière de son visage aurait brûlé tout ce sur quoi se pose le regard de son Seigneur sur sa création. Et il dit le Cheikh, فَهَذَا فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَنَّ لَهُ حِجَابًا يَتَحَجَّبُ بِهِ عَنِ الْمَخْلُوقَاتِ لِأَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وفي الحديث إثبات البصر لله سبحانه وتعالى لقوله صلى الله عليه وسلم ما انتهى إليه بصره لقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فهو سبحانه يرى ويبصر عباده فلا يحجبه عنهم شيء لا جدران ولا حصون ولا ظلمة ولا ستائر ولا أي شيء فيراهم أينما كانوا. Donc le cheikh il dit que il y a donc dans ce hadith la description d'Allah comme ayant un voile par lequel il se voile de sa créature. Et les créatures ne peuvent pas supporter, il dit parce que les créatures ne peuvent pas supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et il y a un hadith authentique aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous soyez mort. Et ensuite, le Cheikh il dit, donc il y a dans ce hadith également l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a la vue. Ça fait partie de ses attributs, qu'il a la vue. Et il dit, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man tara ilayhi basaruhu », c'est-à-dire ce sur quoi sa vue s'arrête, c'est-à-dire ce sur quoi s'arrête sa vue sera brûlé. C'est la preuve qu'il a une vue, Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple aussi dans le verset 218 et 219 dans Sourate Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi yaraka hina taqoum, celui qui te voit lorsque tu te lèves, wa taqallubaka fi as-sajidin, et donc il voit tes mouvements parmi les prosternés, parmi ceux qui se prosternent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, et il voit ses serviteurs, et il n'y a rien qui peut voiler Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche Allah de voir ses serviteurs, ni les murs, ni les forteresses, hein, ni les murailles, ni les ténèbres de la noirceur, ou les voiles, ou les rideaux, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui empêche Allah subhanahu wa ta'ala de voir ses serviteurs. Il n'y a rien qui empêche Allah de voir ses serviteurs, peu importe où ils se trouvent. Et il dit ensuite, et on va terminer avec ces deux derniers chapitres, ces deux derniers paragraphes. Il dit, فَفِي الْحَدِيثِ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَظِيمٌ حَدِيثٌ عَظِيمٌ فِيهِ إِضَافَةً إِلَى مَا سَبَقَ وَصْفُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْحِجَابِ وَأَنَّهُ نُورٌ وَأَنَّ لَوْ كَشَفَ هَذَا الْحِجَابَ لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه وبصر الله جل وعلا لا يحجبه شيء وفيه بيان الحكمة من الحجاب وهي كما جاء في الحديث في هذا الحديث خشية أن يحترق ما انتهى إليه بصره سبحانه من خلقه وأن المخلوقات لا تستطيع مقابلة جلال الله سبحانه وتعالى لعظمته وأما في الآخرة فإن الله جل وعلا يعطى فإن الله جل وعلا يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وهذا من إكرامهم لما عبدوه في هذه الدنيا ولم يروه بل عبدوه إيمانا به سبحانه فأكرمهم الله بأن يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة يرونه جل وعلا فيرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة لأنه سبحانه يعطيهم قوة ليست لهم في هذه الدنيا وإنما هي لهم في الآخرة فيستطيعون بها رؤيته سبحانه ويتلذذون بها وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il termine donc l'explication de ce hadith en disant que ça c'est un grand hadith avec de grandes significations en plus de qu'est-ce qui est déjà mentionné du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est décrit comme ayant un voile et qu'il est lumière et que si ce voile était retiré, eh bien tout ce sur quoi le regard d'Allah se serait posé parmi ses créatures serait brûlé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il voit et il n'y a rien qui l'empêche de voir quoi que ce soit. Et il y a dans ça également l'explication de la sagesse qu'il y a dans le fait d'avoir ce hijab, ce voile. Et c'est justement d'empêcher par crainte que cette création soit brûlée justement par son regard et par l'éclat de son visage et la lumière de son visage. Et que les créatures ne peuvent pas supporter de voir la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur. Et en ce qui concerne l'au-delà, eh bien, c'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux gens du paradis la force et la capacité de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir le voir. Et ça, c'est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala va faire à ses serviteurs dans cette vie d'ici-bas, puisqu'ils l'ont, c'est-à-dire, c'est un honneur que Allah subhanahu wa ta'ala va faire à ses serviteurs puisqu'ils l'ont adoré dans ce bas monde. Et dans cette vie d'ici-bas, sans l'avoir vu, hein, ils l'ont adoré uniquement par la foi qu'ils avaient en lui. Et par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala va les honorer en se manifestant à eux au jour de la résurrection et dans le paradis. Et ils vont le voir comme, hein, ils vont le voir au jour de la résurrection et ils vont le voir dans le paradis. Et comme c'est mentionné dans le hadith également qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne que les croyants vont voir leur Seigneur comme on peut voir la lune lorsqu'elle est pleine et qu'il n'y a pas de nuages. Donc ce hadith là il est clair et il y a beaucoup d'autres preuves aussi dans le Coran. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Hein, les visages vont être éclatants, éblouissants, regardant leur Seigneur. Donc tout ça, ça fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser les croyants, va permettre aux croyants de voir Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux croyants une force par laquelle ils vont être capables de supporter justement de le regarder et de le voir. Et il dit que donc cette force-là, ils ne l'ont pas dans cette vie d'ici-bas, mais ils l'auront dans l'au-delà, et ils seront capables de voir Allah subhanahu wa ta'ala et de savourer justement le plaisir de pouvoir regarder hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de l'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire au jour de la résurrection. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on expliquera au prochain cours les hadiths qui suivent. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي نعم. Donc on va s'arrêter ici pour ce premier cours.